On va parler de football canadien. On va parler avec. C'est la 108e Coupe Grey qui sera présentée la semaine prochaine. Et encore une fois, très heureux d'accueillir Shane Gauthier. Comment est-ce qu'on est habitué de cette classique? Ce sera sa deuxième participation à la Coupe Grey. Salut, Shane. Salut. On va acheter la petite caméra. Shane, d'abord, si on parlait un peu du match d'hier, ça a été un excellent match. J'ai regardé ça, moi, hier, en même temps que je regardais la NFL. Moi, j'ai adoré. C'est du vrai football canadien, là. Le terrain gelé, le terrain. C'était compliqué. Les Bombers, jusqu'à la toute fin, qui ça n'a pas été facile, là. Il restait une minute, finalement, puis Saskatchewan était encore dans le coup. Oui, non, il faisait froid, il ventait. Saskatchewan, ils ont créé beaucoup de revirements. On s'est tiré dans le pied un petit peu, mais on a démontré qu'on avait une équipe avec beaucoup de caractère. Puis on a resté bien focusé sur notre plan de match, puis ça l'a payé au final. Est-ce que lorsqu'il fait froid comme ça, là, ça ressemblait à Green Bay, là, est-ce qu'on y pense vraiment quand on est sur le terrain où vraiment l'adrénaline est tellement forte? La foule à Winnipeg est une des foules les plus hostiles avec apparemment avec Regina, les Canadiens. Est-ce que ça, on y pense à un moment donné à ça ou encore on vient qu'on l'oublie? Ah, ben, tu le ressens un petit peu, mais faut que tu n'y penses plus à un moment donné. Faut que tu fasses ta job. Puis c'est pareil pour les deux équipes de chaque côté. Tu essaies de rester focus sur la game puis de pas trop passer au froid. Puis on a tout ce qu'il faut sur les lignes de côté pour être en mesure d'être bien. Là. On a des caps qui nous réchauffent. Il y a des chaufferettes au propane. Ouais. Tu sais, là, on est bien équipé pour passer à travers ça. L'Ouest, ça s'est installé, je pense que c'est plus froid qu'ici, hein? Ah, ouais, la différence ici, c'est que c'est vraiment sec. OK. Puis, c'est ça, quand les températures descendent, puis que le vent se met de la partie, là, il fait froid assez Alors. Rapidement, puis tu le ressens. Et David Côté des Alouettes me parlait, l'autre fois, j'ai eu David Côté des Alouettes, il disait que Winnipeg, c'est un des endroits les plus venteux des Canadiens. Oui, mais de la façon que notre stade est fait, c'est comme un bol. OK. Puis, tu sais, le niveau de la terre, on est un peu plus rentré dans le sol. Donc, tu sais, plus haut. Si, mettons, tu fais des bottés, le botté, quand il va être dans les airs, il peut pogner le vent un peu. Ouais. Mais au niveau du sol, c'est pas si pire que ça. Shane, si on parlait justement du match d'hier, écoute, avez-vous été inquiet? Jamar Mazzoli, c'est pas le camp qui donne le plus de revirements normalement. Puis hier, il semblait pas être dans son assiette. Zach, tu parles? Oui, Zach Collaro, pas Mazzoli, Zach Collaro, ouais. Excuse-moi, je me suis trompé. Non, ben, tu sais, c'est pas juste de sa faute à lui. Il y a peut-être eu deux mauvaises passes qui ont été interceptées. Les autres fois, c'est des erreurs des receveurs qui essayent un petit peu d'en faire un petit peu plus qu'ils devraient, puis ça cause des échappées. C'est sûr que pendant le match, t'es dans le red zone, puis tu pourrais t'en sortir avec des points. T'sais, on aurait pu commencer le match 14-0, mais finalement, ça a été 7-0 pour leur équipe. Ouais. Donc, tu essaies de rester concentré sur ce que tu as à faire. Notre défense, ça nous a super bien défendu. Après 5 revirements, puis que tu perds seulement par 3 points à la demi, ben, tu rentres au vestiaire et tu te dis hey, on est encore dans le game, on a juste à faire nos choses comme du monde, puis tout va bien aller. Okay. Shane, tu as parlé un peu du match de la semaine prochaine. C'est à Hamilton. Donc, les Tiger Cats seront chez eux. On a annoncé cet après-midi que la Coupe Grey va être disputée devant Sold Out. Donc, tous les billets seront vendus. Comment qu'on a. Il y a 2 ans, vous étiez à Calgary, donc un endroit neutre. Comment vous alignez ça? Là? Vous allez jouer à Hamilton, territoire hostile. Vous êtes habitué de ça ou encore la Coupe Grey? Ben, c'est ma deuxième Coupe Grey, fait que j'ai pas vécu ça, mais c'est sûr que c'est spécial pour l'équipe haute d'être présente à cette. Mais pour l'équipe adverse, j'imagine, c'est quoi? C'est de changer, c'est vraiment de. Ça va être quoi le plan de match? J'imagine que c'est de taire la foule le plus rapidement possible. Et, Ben, c'est de se préparer comme si tu jouais un match à l'extérieur. Il n'y a pas grand changement. Je pense que. ça, honnêtement, ça va être peut-être un petit peu moins pire qu'un match de saison régulière parce que la Coupe Grey, il y a des partisans d'un peu partout, peu partout au Canada qui vont être présents. Donc, c'est pas seulement du monde d'Hamilton qui vont être là, mais c'est sûr et certain que l'équipe locale va avoir l'avantage de la foule. Mais je ne pense pas que ça va nous affecter. On va se préparer comme si on jouait un match à l'extérieur. Je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Finn, je ne sais pas si tu as regardé le match entre Hamilton et Toronto hier. Vous étiez en pleine préparation. Vous avez dû regarder le match un peu quand même. Les Tiger Cats, ça allait nulle part. Et on est allé avec Danny Evans et ça a complètement changé l'allure du match. Le deuxième demi, complètement l'avantage des Tiger Cats. Mazzoli était le cœur partant des Tiger Cats pas mal toute l'année. Là, comment on se comporte la préparation de plan de match? C'est quoi? On se prépare-tu pour deux quarts? On se prépare-tu pour Mazzoli? C'est quoi le plan de match du côté des Bombers? Ben, l'offensive des Tiger Cats ne changera pas. Ça va rester les mêmes concepts et un petit peu les mêmes trucs. C'est juste que Jeremy Mazzoli et Dane Evans sont un petit peu différents. Mazzoli est capable d'étirer les jeux puis de courir un peu avec la balle. Dane Evans, c'est un corps arrière plus de pochette. Il aime ça rester dans sa pochette puis lancer les balles deep dans les couvertures. Okay. Mais notre préparation ne changera pas vraiment. On va certainement avoir certains détails tout dépendant le corps arrière qui est là, mais je pense pas que ça va changer extrêmement notre préparation. OK. C'est quoi la préparation de Shane Gauthier de l'équipe avant le match? Les journées, là, comme là, matin, donc on s'est parlé vers 10h ce matin pour l'entrevue. Il est 16h27 au moment où on enregistre le podcast. 16h27, heure de Dolbeau-Mississippi. 15h27, heure de Winnipeg. Oui, c'est ça. C'est quoi le plan de match normalement? Il y a des séances vidéo, il y a des exercices, j'imagine? Ben là, aujourd'hui, on a vu quelques jeux d'hier. Okay. On a regardé quelques séquences où ce qu'on aurait pu faire mieux, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, c'est surtout une journée où ce que les joueurs se débarrassent de toute la préparation de tickets, de hôtels pour la famille qui vient de voir jouer. Donc aujourd'hui, c'est surtout une journée pour ça. Beaucoup de joueurs font les médias aussi aujourd'hui pour que cette semaine, on n'ait pas besoin de les faire. Donc, aujourd'hui, c'est surtout ça. On part à Hamilton demain après-midi. OK. Puis, après ça, on est comme... c'est comme si on était dans une bulle à part à l'extérieur du monde. Là, on est l'équipe ensemble dans notre hôtel, puis on regarde les vidéos ensemble, on va pratiquer, puis... C'est ça qui est le plus spécial de la semaine de la Coupe Grey, c'est que tu es comme sur une planète à part de tout le monde, puis chaque équipe fait leur préparation de leur bord, puis tu es comme... c'est vraiment une semaine spéciale. Est-ce que jouer, parce que les Bombers avaient eu un bail, parce que vous étiez fini premier dans l'Ouest, est-ce que avoir un bail, c'est un avantage ou un désavantage? Est-ce que ça peut expliquer la première mauvaise demi en première demi? Ça peut expliquer ça? Je ne mettrais pas tout là-dessus, mais peut-être, oui. Okay. Surtout le fait que je pense que si tu finirais la saison comme le dernier match de la saison, puis pour finir en première place, il faut que tu joues la game pour finir en première place. Je pense qu'il y aurait moins d'impact que nous, ça l'a eu. Vu qu'on a joué un mois, on a joué deux matchs avec absolument aucune... qui n'avait aucune valeur dans le classement. Alors, il y a des joueurs qui n'ont pas joué. Donc, ça change un peu. Plus la semaine de congé. Donc, ça fait quasiment un mois au complet que tu n'as pas joué de football. Donc, on l'a vu le dernier match à Montréal, c'était l'équipe B. Quand vous êtes venu à Montréal, je veux pas les Alouettes, c'était l'équipe B pas mal des Bombers. Oui, absolument. Puis, ça peut avoir un impact. Notre job à nous autres, c'est d'essayer que ça ait le moins d'impact possible. Mais Saskatchewan, ils nous ont donné beaucoup d'adversité. Puis on a réussi à retrouver nos repères en deuxième demi pour aller la chercher. Tu sais, on ne pèse pas sur le bouton à on comme on veut. Hein? Off, on. Des fois, c'est pas de même ça marche. On aimerait ça que ça marche de même, mais des fois, ça te prend deux, trois jabs avant d'être réveillé puis de commencer à faire les affaires comme du monde. Est-ce que tu vas emmener la Coupe Grey à Dolbeau, Mississippi? On sait qu'en 2019, tu devais le faire. On sait ce qui est arrivé, la COVID. Si les Bombers l'emportent, j'imagine que là, c'est un plan. Là, tu vas la ramener. C'est le même plan que l'année qu'on l'a gagné. Pas rien, là, la Coupe Grey à Dolbeau-Mississippi. Tu sais, la Coupe Stanley, ça donne la Coupe Grey, ça a 108 ans. Puis c'est un emblème. Donc, ça mériterait, je sais pas moi, quelque chose au météore, quelque chose de même. Là. Ça serait vraiment fun. Tout est organisé. On était à une semaine de l'avoir. Puis, ouais. La COVID a changé les plans. Ouais. Mais on va commencer par essayer de la gagner. Puis après ça, c'est sûr que je vais essayer de tout arranger ça encore une fois si on a la chance de la soulever encore. Oui, Shane, on va surveiller ça. C'était pas mal le fun hier. David Arsenault a mentionné l'orgueil de Dolbeau Mississippi. C'est le fun quand même à Montréal. À Montréal, que les gens parlent de Dolbeau Mississippi, c'est grâce à des Shane Gaultier, c'est grâce à des Mario Pelcha que Dolbeau Mississippi rayonne. Puis félicitations encore une fois, puis bravo. Merci beaucoup. De la Shane Gaultier, on s'en parle lundi prochain, Shane, pour le match, pour analyser le match, si tu permets. Donc, voilà Shane Gaultier de Dolbeau Mississippi qui va participer à la 108e Coupe Grey en fin de semaine à Hamilton. Merci Shane, merci, on s'en parle lundi prochain. OK? Salut. C'est beau, salut.